Monsieur Joly, mon cher, pour la province de Québec, mes chers compatriotes, vous le savez, ou vous l'avez deviné sans doute, il a fallu changer trois fois de salle pour que vous ayez la permission de m'entendre parler contre le communisme après deux guerres mondiales faites pour la liberté de parole. Ma foi, je dois admettre, comme je l'ai écrit et si souvent répété, que la vérité, c'est encore la plus grande victime de notre époque, en notre siècle de mensonges, de roueries, de fourberies, de pharisaïsme. Néanmoins, les belles causes attirent les belles gens. Vous en êtes tous, d'après ce que je vois. Et les belles idées attirent les beaux esprits. Dans notre groupe, beaucoup ont souffert pour la liberté de parole, pour la liberté de s'exprimer. Oui. Moi, j'aimerais que vous dites quelques mots tout de suite, en conséquence. Voici. La police nous prévient qu'une bombe aurait été placée dans l'édifice et qui devrait sauter d'ici une demi-heure. Non. Il faut écouter la loi, l'ordre, la discipline. Alors, retirez-vous si vous voulez. Les agents vont chercher pour la trouver et vous reviendrez. Bon. D'accord. Oui, c'est vrai. Mesdames et messieurs, au nom de l'organisation du Parti de l'Unité nationale du Canada, je me dois de louer votre patience malgré les événements, malgré les menaces, les forces de gauche qui ont tenté de vous décourager et de vous dissuader. Mais quant à vous faire peur, je savais qu'aucun d'entre vous n'aurait peur. Nous avons du temps quand même à tabler aux ordres de la police afin de pouvoir faire inspecter les lieux. Mais nous savions d'avance que tout cela n'était qu'une fumisterie. Nous en sommes quittes pour un léger retard et je suis persuadé que ce retard sera amplement compensé par le message que le chef du Parti de l'Unité nationale du Canada, M. Adrien Arcan, va vous livrer à l'instant même. Monsieur Arcan. Ah, en chef pour Québec. Monsieur le Président, mes chers compatriotes. Nous avons eu une suée pour certains. Une petite angoisse pour tous. Pour ma part, je dois vous dire que j'ai eu un certain plaisir. D'après les médecins, d'après les grands experts, d'après les rayons X, je suis mort depuis 25 ans. Mais je crois à la prière. C'est ce qu'il y a de plus puissant sur la terre. Quand on m'a dit qu'il y a 200 balles qui t'ont cité autour de la tête, t'as eu des tentatives d'empoisonnement, etc. J'ai dit, même un médecin juif, portez bien, au camp de concentration, un médecin juif m'a donné une pitude. J'ai dit, monsieur Arcan, qu'est-ce qui vous dit que vous n'en mourrez pas? Vous savez que je suis juif? J'ai dit, mon ami, notre Seigneur nous a dit, si tu crois en moi, les serpents te piqueront et ne t'empoisonneront pas. Petit docteur, je crois mieux à lui qu'à vos piqûres. D'allez-moi. Et j'étais obligé de subir ce gouvernement qui nous imposait. En tout cas, ce qui s'est passé ce soir se passe couramment, vous le voyez dans les journaux. Des avions sont arrêtés à l'aérodrome, on fait descendre des passagers, des farceurs ont dit il y a une bombe, vous êtes sautés, des conventions, on fait vider les hôtels, on fait vider des écoles, une bombe va sauter. Ma foi. Bon, si la Providence le veut, la bombe sautera. Si elle ne le veut pas, la bombe ne sautera pas. C'est Dieu qui mène. C'est pas le communisme. Maintenant, nous devions parler au loisir de l'Immaculée Conception. C'est là que vous avez d'abord été invité. Bon. Ils ont reçu des messages de Toronto, des communistes. Si vous admettez Adrien Arcan dans la salle des loisirs de l'Immaculée Conception, la salle va sauter. Non, pas jésuites. Mon Dieu, qui s'en fout ça. En tout cas, nous étions prêts à y aller. Et ce soir, on m'a invité comme chef national du parti, et c'est enregistré sur plusieurs machines, à vous parler du sujet corporatisme ou communisme. Communiste, c'est socialiste, vous le savez. Inventé par Karl Marx. Le problème de notre siècle, du 20e siècle, c'est le problème du règlement de la question sociale. Il faut la régler, cette question-là. La justice sociale. Bon. Malheureusement, les communistes ont commencé avant les chrétiens, avec le manifeste communiste, proposant le socialisme universel d'une internationale. L'Église est arrivée 40 ans tard, avec quoi? Rerum novarum, pour répondre à ça. Nous sommes toujours en tort, nous les chrétiens. Même quand il s'agit de promulguer un dogme. Il y a une merveilleuse petite étude de Joseph de Maistre, un grand chrétien, qui était ambassadeur de France à Moscou en son temps. Il dit, chaque fois que l'Église promulgue un dogme, elle n'annonce rien de nouveau. Que ce soit l'Immaculée Conception, que ce soit l'Assomption, que ce soit la présence réelle dans l'Eucharistie, que ce soit ci, que ce soit ça. C'est parce que cette vérité-là est attaquée que l'Église est obligée de la défendre et promulguer un dogme. Durant les trois premiers siècles de la chrétienté, il n'y avait pas de promulgation de dogme parce qu'il y avait la foi angélique chez les chrétiens. Les chrétiens des trois premiers siècles savaient que Marie était montée au ciel, savaient qu'elle était immaculée, savaient qu'il y avait la présence réelle dans l'Eucharistie. Ils savaient tout ça de foi angélique. Mais dès l'instant où ces vérités-là ont été attaquées, l'Église peut se défendre, va être obligée de promulguer les dogmes. Elle n'a jamais rien annoncé de nouveau, l'Église. Elle n'a annoncé que ce qui existait toujours, ce que les apôtres croyaient, ce que les disciples croyaient, les premiers chrétiens croyaient. Bon, ça, passons par là-dessus. Nous sommes rendus au 20e siècle. Un siècle de science, d'avancement. Nous sommes toujours, nous, les nationaux, 30 ans en avance. Il y a 30 ans, moi, j'annonçais que s'il y avait une deuxième guerre mondiale, ce serait la fin de l'Empire britannique, de l'Empire français, de l'Empire hollandais, de l'Empire ci, de l'Empire ça, et la propagation du communisme sur l'humanité. C'est arrivé. C'est arrivé. Je ne l'ai pas dit pendant la guerre, on n'a rien dit pendant la deuxième guerre. Nous n'avions ni journaux, j'avais tout paralysé. Mais je l'avais dit avant, ça n'allait pas que ça se répète. Les gens croyaient, les pouvoirs du temps croyaient que je ne répéterais, et nous enfermaient. Aucune concentration. J'ai le championnat de l'Empire. Regardez-moi, je suis un champion. J'aime les champions. Bon, j'aime Jensi, j'aime Joe Louis. Il y en a que je n'ai pas aimé, mais je les admire. Staline, je l'ai admiré, cet homme-là. Je l'ai combattu toute ma vie. Il a roulé Roosevelt, il a roulé Churchill, il a roulé tout le monde. Il a doublé, triplé, quadruplé son empire. Mais c'est un champion. Le plus grand génie politique en ce moment-là, en ce moment, c'est Mao Tse-tung en Chine. Lisez donc ses discours. Vous allez voir quel génie politique il a, cet homme-là. Mais je le combattrai toute ma vie. Je suis spiritualiste, il est matérialiste. Mais il faut tout de même s'incliner devant les grands génies, les grands champions. Néron, imaginez pas que Néron était une buse, un imbécile. C'était un grand poète, c'était un grand orateur, c'était un musicien, il avait étudié tous les arts. Et pendant que Rome brûlait, avec sa chubby face, sa face de chérubin, il jouait de la lyre. En chantant ses poésies, comme Churchill, la même face de chérubin, a regardé les statues de Néron et a regardé les portraits de Churchill, même visage. Chouflu, jouisseur, aimé par la vie, et pendant que l'Empire britannique sombrait, Churchill s'écoutait parler en jouant de sa guitare. C'est un champion, lui aussi. Un champion destructeur. Il a détruit l'Empire britannique. Après avoir dit, je n'ai pas été élu premier ministre pour liquider l'Empire britannique. Il l'a détruit. Et plus l'Empire a réussi, plus on a fait des grosses statues et des grands portraits. Il y a 200 ans, un homme pareil a été fusillé en venant de la guerre. Il n'a pas fait mieux que son ancêtre, Malbrook. Malbrook, ça va dans la guerre. C'est l'ancêtre de Jésus. Bon. Alors, je vous ai dit, nous sommes rendus aujourd'hui avec les avancements de la science, de la sociologie, de la politique, au terme où il faut régler la justice sociale. Le problème social. Les communistes ont lancé le mot le premier, socialisme. Socialisme. Alors, l'Église, elle, a créé de son côté, en réponse, justice sociale, question sociale. C'est toujours social, société, socialisme, society. De même mot. Mais comme le mot socialisme a été pris d'abord par les juifs athées, Karl Marx, Engels, Lassalle, le mot est sale. Le mot est salé. Vous savez, tous les ismes représentent des systèmes. Fascisme est un système. Nazisme est un système. Nationalisme est un système. Catholicisme est un système. Protestantisme est un système. Les imbéciles qui disent « Moi, je suis contre tous les ismes. » Ils sont contre le catholicisme, alors c'est un isme. Ils sont contre le protestantisme, c'est un isme. Je me souviendrai toujours, moi, l'ancien chef communiste, je le rencontre dans la rue. J'ai dit, comment ça va, mon Dieu? Ah, il dit là, moi, il dit, je suis contre tous les ismes. Je dis, il y en a un pour toi. Il dit, lequel? Le nihilisme. T'es contre tout, alors il y a un isme. Tu l'as pris à quoi? Bon. Alors, mais, là où le danger est grand, là où vous entendez des jésuites, comme j'en ai entendu, des dominicains, des sept-associés, des pères, je suis pour le socialisme. Lequel? Lequel? Socialiste matérialiste ou le socialiste spiritualiste? Le socialisme international ou le socialisme national? Le socialisme chrétien ou le socialisme anti-chrétien? Il n'y a que deux formules au monde, et il ne peut pas y en avoir d'autres, pour régler la question sociale. L'esprit du Christ ou l'esprit de l'Antichrist? Prenez l'Allemagne, Hitler. Il se disait national-socialiste. Les nazis, le mot nazi est l'abréviation du mot national-socialisme. Bon. Il était l'ennemi à mort, l'ennemi juré de la Russie, international socialiste. De quoi? On reproche à la papauté de ne pas avoir condamné, de ne pas avoir condamné Mussolini, etc. Quiconque aujourd'hui s'est contre le communiste, on traite de naziste, de fasciste, etc. Même si vous ne l'êtes pas, si vous comprenez absolument rien dans ça, dès l'instant où vous vous dites anticommuniste, on vous traite de naziste. National. L'inverse, c'est international. Internationaliste. Là où le clergé se mêle, notre clergé ignorant, c'est ceci. La vérité est internationale, universelle, éternelle. Un dogme doit être universel, international. Une vérité, une justice, ça c'est international. Ce sont des idées, ça. Des dogmes, des doctrines. Ça c'est international. L'Église, par sa mission, parce qu'elle a à vendre, à donner, à répandre, est une internationale, mais spirituelle. Tout ce qui est national, spirituel, est faux. Une église nationale est une église fausse. Parce que si cette église-là a la vérité, il faut que cette vérité soit internationale. Elle n'a pas le droit de la garder nationale. Alors, c'est là où notre clergé se mêle. Tout ce qui est spirituel est international par sa nature, en soi et par soi. Mais tout ce qui est national, matériel, est limité en soi et par soi. Les chemins de fer du Canada ne peuvent pas être internationaux. C'est matériel, ça. L'agriculture du Canada ne peut pas être internationale. C'est national. C'est limité parce que c'est matériel. Mais la vérité chrétienne au Canada est internationale, c'est la même vérité partout ailleurs. Une idée de justice, une idée d'équité. Les 10 commandements sont internationaux. Tout le reste, là, César, c'est national. Dieu, c'est international. Je dis que c'est. C'est là où on se met. On a des petits terres, là, qui, ayant appris que le catholicisme, le christianisme, est une affaire mondiale, universelle, pour toute l'humanité, s'imagine à un moment donné que le règlement de la question sociale doit être la même chose. Et là, entre le national-socialisme et l'international-socialisme, il y a une ligne de démarcation là, excessivement dangereuse. Si les matérialistes tombent d'un côté ou les spiritualistes tombent de l'autre, ils sont tout mêlés. C'est ça. C'est toute l'affaire. Ils oublient qu'une nation, c'est comme une famille. Une famille, c'est une cellule autonome de droit divin, de droit naturel, dans sa propre maison. Une nation, c'est la même chose. Et on ne peut pas imposer à la famille ou à la nation des idées matérialistes pour les internationaliser. On ne peut que leur imposer des idées spiritualistes qui sont internationales, mondiales, universelles en Allemagne, comme une foi, une idée de droit, de justice, etc. C'est là que vient le conflit. Quand j'entends certains clercs nous dire « Je suis pour le socialisme, je voudrais que le socialisme absorbe même les loisirs. » Cet homme-là, qui se croit catholique, pratiquant, parle comme un communiste de Moscou quand il dit ça. Il ne fait pas la démarcation entre les règnes. César et Dieu. Maintenant, il n'y a que deux sortes de gouvernements sur la Terre. Il ne peut pas y en avoir deux. Soit un troisième. Un gouvernement qui dit il y a un Dieu créateur. Les êtres humains sont des petites créatures, des petites poussières par cosmos. Et un gouvernement qui dit il n'y a pas de Dieu. Alors, l'un dit l'autorité vient de Dieu puisqu'il est le créateur, le maître, le roi et le juge. L'autre dit, comme il n'y a pas de Dieu, ben, c'est l'homme qui est le roi et le maître. Et sa raison, la petite raison humaine. Imaginez-vous notre cervelle qui a 4 pouces et demi de large dans un cosmos de milliards et de milliards et de milliards et de milliards d'années-lumière. Imaginez-vous, c'est un gros. Alors, le mot socialiste, comme je vous l'ai dit, a déjà été pris par la gauche, d'abord. Par la gauche. Il s'agit de régler le problème social. Comment le régler? Il y en a qui disent, ben, la démocratie libérale va régler le problème. Mais la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, démocratie? On parle de démocratiser l'Église, démocratiser la famille, démocratiser l'enfant, démocratiser les élèves, démocratiser les professeurs, démocratiser, si on veut tout démocratiser. Tout le monde se nomme démocratie. Mais ce mot-là, ça fait 1200 ans qu'il existe. La Terre existait pénalement, le mot démocratie existe. Socrate en a parlé. Il dit la démocratie conduit à une dictature terrible, soit de gauche, soit de droite. Les pères de la Confédération américaine de l'Union des États des États-Unis, quand ils ont fondé leur république, on dit « Nous fondons une république et non une démocratie. Gardons-nous de la démocratie, elle ne nous conduira qu'à l'appauvrissement, à la dictature, à l'esclavage. » Mais dans les temps modernes, c'est en 1917 que le mot a été lancé. Le président Woodrow Wilson quand il est embarqué dans la Première Guerre mondiale avec les États-Unis, a dit « This is a war for the survival of democracy. » C'est la guerre pour la survie de la démocratie. C'est une république d'abord, pas une démocratie. Ici, on est une monarchie constitutionnelle, on est un monarque. Bien avant tous ces autres, il y a 600 ans, Saint Thomas d'Aquin disait, le meilleur régime au monde, c'est une monarchie tempérée par la démocratie. Dans ce temps-là, il y avait des monarques partout. Et il y avait des corporations. Les corporations, c'est ça la démocratie. Les gens de chaque métier, de chaque profession, de chaque industrie qui pouvait aller s'exprimer au Parlement. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas, la démocratie. Alors, regardez en ce moment ce qui se passe en Québec, là, l'élection provinciale. Les chefs de parti disent « Si la convention régulière élit un tel candidat, je ne le connaîtrai pas. » Mais la convention, c'est le peuple. C'est le peuple qui choisit librement celui qui veut avoir comme candidat. Les chefs disent « Non, je ne le connais pas. » Johnny Rougeau a été élu par une convention régulière, choisi par des délégués reconnus par le central de son parti. Le chef dit « Non, je n'en pas sa gueule, moi je n'en pas cela. » Alors, c'est où est la démocratie? C'est la dictature. On a dit la même chose de Claude Bruchesi. Tous les partis, c'est la même chose. Ça n'existe pas, la démocratie. Ça n'a jamais existé. Mais il faut qu'elle existe, il faut qu'elle vienne. Il n'y a que corporatistes pour l'avenir. Et nous, nous sommes assez honnêtes dans notre parti. Pour concevoir que les conventions, c'est de la tricherie, c'est tout pacté, c'est tout arrangé d'avance. Et quand il y aura des candidats de notre parti quelque part, c'est notre parti, le central, qui les aura désignés des foyers de convention pour endormir le monde, pour tricher l'opinion publique. Nous ne croyons pas à ça. Alors, il n'y a que deux sortes de façons de réaliser, comme j'ai dit, le socialisme. Le mot veut dire règlement de la question sociale, règlement de la justice sociale. Il y a deux façons. Ça ne peut pas être d'abord par les individus principalement. Ça ne peut pas être par une partie de l'État, que ce soit les finances, l'économie, etc. Il n'y a que deux façons de régler la question sociale. Par le peuple ou par l'État. L'étatisme ou le corporatisme. Il n'y en a pas d'autre. Essayez d'en chercher, vous n'en trouverez pas. Le pape, fin Jean 23, dans Mater et Magistrat, en parle et il demande le corporatisme comme solution de la justice sociale. Les communistes essaient de nous faire penser, de nous faire croire que c'est à leur système qui a, de leur système dont il a parlé. Pas du tout. Lisez le chapitre qui concerne l'agriculture. Jean 23 dit, les agriculteurs particulièrement devront avoir des associations pour régler leurs problèmes politiques, professionnels, financiers, économiques et sociaux. J'en parlais avec un petit peu plus de détails. J'aurais aimé vous parler d'autre chose, puisque nous sommes en temps de transition. Mais c'est ça qui a été annoncé, alors je m'en tiens. Non, c'est cette question-là. Il y a le socialisme, règlement de la question sociale, d'esprit chrétien. Il y a le règlement de la même question d'esprit antichrétien oriental. Disons que ça règle le mot. Il faut faire tourner autour du pot de confiture sans jamais mettre l'autre là. Les deux se réclament de la démocratie. En Russie, en Chine, à Cuba, on se proclame des démocraties populaires. Qui réclame la démocratie? Des dictatures. Dans leur constitution. Oui, dictature du prolétariat. Mais dans la propagande mondiale, ils disent nous sommes des démocraties populaires. De ce côté-ci, ils disent ah, nous sommes des démocraties libres ou capitalistes. Pas ça, démocratie. Est-ce que tous les charpentiers du Canada ont un député charpentier pour parler pour eux au Parlement? Non. Ils ont un député soit libéral, soit conservateur, soit socialiste, soit créditiste. Mais il n'est pas là comme charpentier pour défendre les intérêts de sa profession. Il est là comme libéral, conservateur, socialiste. Comme une étoile. Et donc, c'est toujours la lutte des classes, même en ce moment. C'est à peu près facile de savoir qui va gagner l'élection provinciale. C'est dans les derniers quatre jours qu'on va se faire les élections. Quand des millions, des dizaines de millions vont tomber massivement sur la province, c'est des électeurs à vendre qui ne pourront élire que des députés à vendre. C'est ça le mal de notre race. On fait des lois pour essayer de vous croire que les élections sont honnêtes. Pensez donc. La province paye tant et tant par tête pour tel parti qui a 10 candidats, etc. Bon. Supposez que moi, je suis un candidat d'un comté. Hein? J'ai un agent électoral. Bon. Arrive quelqu'un d'en dehors. Il m'a parlé au téléphone. Je ne l'ai jamais vu ni connu. Il arrive avec 20 000 $ à mon comté, en haut billet de 5 000 $. Il est 3 soirs avant l'élection, il passe par la porte d'en arrière à 2 h du matin. 50 $. On ne vous demande pas de voter de notre parti, mais elle n'est pas votée du tout. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu des congés top de même. Mais pensez-vous que ça rentre dans le compte des élections, ça? Personne ne sait. Et celui qui s'est vendu n'osera pas aller le dire parce qu'il va être accusé de corruption. Il va se faire traîner devant le tribunal. Électorat à vendre, député à vendre. C'est ça le malheur de notre race. Et si je l'ai vu depuis 40 ans. De bien proche. Assis à côté des trésoriers de parti. C'est de même que ça se passe. On essaye de nous pour écrire des lois pour la propreté des marches électorales. Mon Dieu. Si possible, si possible. Heureusement que nos gens commencent à être moins naïfs et à avoir un petit peu clair. J'espère que ça va, la clarté va se faire un peu plus. Et quoi, surtout si on nous permet de parler. Démocratie. Démocratie. Tout le monde s'en réclame. Je me souviendrai toujours d'avoir lu un jour l'auteur, c'est-à-dire le chef du Grand Orient athée franc-maçonnique de France. À un moment donné, imaginez-vous, le pape Léon XIII n'a-t-il pas prononcé le mot démocratie? Il a prononcé le mot démocratie une fois dans sa vie. 15 jours après, dans l'Acacia, bulletin du Grand Orient France, le grand chef dit: nous avons mis au pape catholique le mot démocratie dans la gorge, nous allons le lui enfoncer dans l'estomac. Et aujourd'hui, on en parle, c'est dans l'estomac. Mais on a des renards constants. Ça vous montre comment ces gens-là voient de loin, ils voient clair. Et la démocratie, c'est pas la démocratie que nous avons, c'est le party system, le système des partis politiques, qui n'existe que depuis 200 ans. Ça a commencé en Angleterre avec les Grits et les Tories, il y a 200 ans. Avant ça, ça existait le parlementarisme. Il y a toujours eu des parlements. Même les plus grands dictateurs de la Terre ont toujours eu des consultants, des aviseurs. Hitler était dictateur, mais il a bâti la plus belle aviation avant la Deuxième Guerre. Non, c'était pas un aviateur, il savait même pas mener un avion. Il a bâti le plus beau système de tanks de guerre, je connaissais bien ça. Il a bâti des sous-marins, des schnozettes, tout ce que vous voudrez. Il a bâti les premiers avions à jet. Il a bâti les premières fusées V1, V2 qu'il y en a en Angleterre. Je connaissais rien dans ça. Il y avait des frères. Ouais. Alors, le parlementarisme que nous avons n'est pas la démocratie. C'est la division organique des peuples en deux. Bleu, rouge, maintenant, pâtez-vous. À l'année longue, à l'année longue, à l'année longue. Au lieu d'un peuple uni, vous serez deux peuples qui se combattent, deux moitiés de peuple. Et l'étranger, le juif, a tout poigné pendant que les autres se battaient. C'est même, c'est fait. Le Parlement, carré. Le parlementarisme a existé des siècles. Prenez du temps de l'empereur Charles Quint, au 15e siècle en Espagne. Mais il y avait des cortèges, des chambres espagnoles. Le roi à genoux pendant 3 mois devant les députés, les suppliant de lui donner tant de millions pour ses guerres. Les députés disaient, tu les auras pas, on va t'en donner rien que la moitié. Pourtant, c'était un monarque absolu, l'empereur d'Europe. En Angleterre, c'était la même chose. Mais les gens défendaient leur profession, leurs activités professionnelles. C'était des vrais parlements. Il y avait des drapiers qui représentaient les marchands de drap, les fabricants de drap. Il y avait des députés qui représentaient la marine, l'exportation, l'importation. Il y en avait d'autres qui représentaient l'industrie. Il y en avait d'autres qui représentaient l'agriculture. Ils représentaient leur propre profession. Alors, ça nous amène à parler encore un petit peu plus près. J'espère que vous n'en oubliez pas avec ça. Qu'est-ce que c'est que nous proposons, nous? L'abolition du parti système, du système des partis politiques. Nous ne voulons pas que la nation soit divisée en idéologie. Bleu, rouge, caille. Nous voulons que les marchands du Canada soient tous dans une même corporation du commerce, qu'ils élisent leurs députés entre eux et que ces députés-là désignent la ministre du commerce. Ce ne sera plus des bleus, des rouges, ils vont être là comme marchands au Parlement. Nous voulons que les agriculteurs entre eux, tous membres de leur corporation d'agriculture, élisent leurs propres députés, leurs hommes éminents, leurs hommes propres, leurs hommes qui ont fait leur marque, leurs hommes en qui ils ont confiance, et qu'ils les élisent comme députés de l'agriculture. Et que ces députés de l'agriculture désignent entre eux le ministre de l'agriculture pour voir à leurs intérêts. Même chose pour l'industrie, même chose pour les pêcheries. Maintenant, on entend parler des abus du haut capitalisme oppresseur, des compagnies d'assurance, de ci, de ça. La corporation d'agriculture, une fois établie, aura le droit de fonder ses banques, la banque de la corporation d'agriculture, où les cultivateurs iront déposer leur argent, laquelle banque leur appartiendra, leur prêtera à des taux d'intérêt fixés par eux, les cultivateurs. Ils auront droit d'avoir des compagnies d'assurance, de s'informer contre le gel, contre la gelée, contre l'inondation, contre la grêle, contre les intempéries, tout ça. Et ils fixeront des taux que eux, propriétaires de la compagnie d'assurance, voudront bien fixer. Même chose dans l'industrie du transport, dans l'industrie légère, dans l'industrie lourde, etc. C'est ça le corporatisme. Au lieu de la guerre des classes, l'association des classes, l'entente des classes, et la grève sera interdite. Savez-vous pourquoi? Avec le corporatisme. Prenons par exemple un charpentier ou un maçon, un peintre, n'importe quel métier. On fixe un taux de salaire. Les patrons sont obligés d'être incorporés, eux autres aussi, dans leur association et de siéger à l'année avec les chefs des employés. Obligés. Comme un concile. Comme un concile au Vatican. Battez-vous, mordez-vous, chicanez-vous, vous en sortirez pas tant qu'il n'y aura pas un pape de demain. Bon. Même chose pour toutes les corporations. Réglez-les vos problèmes entre vous autres. L'automation, ouvriers, patrons, siégeant ensemble, il y a 140 000 jeunes gens là, qui vont sortir des écoles spécialisées. Arrangez-vous pour les absorber. C'est votre problème. C'est pas celui de l'État. L'État, c'est de régner. Régir. L'État n'a rien à faire dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture libérale. Il n'y a pas d'agriculture socialiste. Il n'y a pas d'agriculture fasciste. Il n'y a pas d'agriculture communiste. Il n'y a pas d'agriculture unioniste, etc. Il y a l'agriculture agricole, puis ça finit là. Puis réglez-les, vous autres, les agriculteurs. Et pourquoi est-ce que les agriculteurs ne sont pas capables de régler leurs problèmes? Pourquoi est-ce que les ouvriers ne sont pas capables de régler leurs problèmes? Ils n'ont pas de cadre. Ils n'ont pas de cadre pour se discipliner eux-mêmes. Eh bien, quand on ne peut pas se discipliner soi-même, on se fait discipliner par un autre. Et ça s'appelle la démocratie libérale. Les avocats se disciplinent. Les avocats se disciplinent. Ils sont jugés par leur père. Plaignez-vous d'un avocat au barreau, il va être jugé par ses pairs. Il va être suspendu ou rejeté à vie. Condamné par les siens qui s'y connaissent. Quand des avocats jugent un avocat, ils connaissent ce métier-là. Même chose chez les médecins, même chose chez les notaires, même chose chez les ingénieurs. Si moi je fais faire un toit sur ma maison, un nouveau toit, ça coûte 1500-1600 piastres. Puis là, ben, je me plains, moi, à la corporation, des ferblantiers, couvreurs. Je dis, votre gars m'a surchargé, il m'a volé 300-400 piastres. Il sera jugé par des ferblantiers couvreurs qui connaissent tous les secrets de son métier, qui viendront examiner chez nous, qui le suspendront pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, puis qui diront remets à M. Arcand 300 piastres que tu as enlevé de trop. Pas par des avocats qui connaissent rien dans ces choses-là. Le corporatisme. Pie XII, en 52, parlant de l'encyclique Quadragésimo Anno, a dit ceci. Ce n'est pas la partie contre le communisme qui est la plus importante de cette encyclique, c'est la partie qui parle positivement du corporatisme. Le corporatisme. Le corporatisme, mes amis. Quand Chose a publié Chose, Richard, quand notre Saint-Père a publié son encyclique, va être magistrat. Monsieur Claude Ryan, qui a écrit la préface dans l'édition publiée par Jean Thébert, disait heureusement que le Saint-Père n'a pas prononcé le mot corporatiste, mot aussi discrédité, si dangereux. Voyez-vous. Quel que soit le discrédit d'un mot, il ne faut pas en avoir peur. Quel que soit l'odieux qu'on porte à un terme, il ne faut pas en avoir peur. Notre Seigneur a dit, il y en a qui rougiront de moi sur la tête, mais je rougirai de toi. Si vous allez en Russie aujourd'hui, vous prononcez le mot Christ, vous êtes arrêté. Bon. Mieux vaut le prononcer, être arrêté, puis être pendu, puis être fusillé. Faut pas avoir peur des mots. Le mot corporatiste, faut pas en avoir peur. C'est le système parfait de justice sociale. Tous les travailleurs réunis avec les patrons, obligés de siéger ensemble, ce sont eux qui vont décider comment absorber les jeunes qui s'en viennent. L'automation, c'est leur problème, c'est pas le problème de l'État. Qu'est-ce que l'État connaît dans l'automation? Il y a que les industriels. Employeurs et employés qu'ils connaissent, c'est à eux de décider ça. Et, mais aujourd'hui, on veut que l'État s'empare de tout. Vous savez, il y a trois choses. Il y a trois choses qu'on mêle assez souvent. Nationalisation, étatisation, socialisation. Qu'est-ce que la nationalisation? On proclame que telle région est un parc national. Tout le monde peut y aller. On proclame que tel édifice est un musée national. Toute la nation peut y aller. Bon. Ensuite, il y a l'étatisation. Ça, ça appartient à l'État. C'est lui, puis pas, ah, pas d'autre. C'est même pas la nation. Voulez-vous me dire, vous autres, où sont toutes les bombes en Canada? Les bombes lacrymogènes? Où sont les bazookas? Où sont les caisses de munitions? Où sont les obus de l'armée? C'est pas ça. Étatisation. Propriété de l'État. Secret de l'État. Ensuite, il y a la socialisation. Bon. T'es clair? Un peu buse, à cause d'ignorance, qui ne font pas la différence là, entre étatisation et socialisation, ça mêle. Nous en parlons tout le temps. Il faut socialiser, socialiser, socialiser, société, socialisme, etc., etc. C'est comme on est rendu aujourd'hui, messe communautaire, communiste, communauté. C'est une messe personnelle, on n'est plus capable personnellement de réfléchir, de se recueillir et de prier. On entend brailler des gars qui bêlent comme des veaux. Vous savez, Jésus-Christ ne viendra pas juger les nations, puis les peuples, puis les sociétés, puis les compagnies. Chaque homme individuel, c'est ça. Quand chacun apparaîtra devant Dieu, ce n'est pas la société qui apparaîtra. C'est chaque personne, en particulier. Aujourd'hui, au lieu d'un Dieu personnel, on veut nous présenter un Dieu collectif, communautaire, sociétaire, socialiste, etc. Bon. Alors. C'est là le mélange entre le vrai socialisme et le faux socialisme. C'est là que cette ligne démarcation si dangereuse où tout le monde se mêle. Alors, le corporatisme, pour en revenir, m'excuse si je parle un peu à décousu, on a, vous savez, était charrié de carré dans celui-là. Savez-vous ce qui a toujours mené l'univers? C'est l'aristocratie. Autrefois, sous la féodalité, c'était des guerres entre les barons, les comtes, les marquis, les ducs, les archiducs, les rois, etc. C'était des guerres de succession, des guerres de féodalité. Alors, celui qui, pour son roi ou pour son chef, se distinguait le plus au risque de sa vie sur un champ de bataille, était anobli. On en faisait un noble. Il devenait membre de l'aristocratie. Bon, ça, c'est héroïsme. C'était l'aristocratie du sang. C'était héréditaire, de père en fils. Même si un duc avait une buse comme un fils aîné, mais c'était la buse qui en héritait. Bon. Après la destruction de tout ça, ça a été l'aristocratie d'argent. L'argent. Prenez quelqu'un qui a fait 20 mètres, qui a fait du bout de la guérie, etc., puis qui vaut 45 milliards aujourd'hui. Tout le monde s'intrigue. Dans tous les milieux. Il vaut 4 milliards, il vaut 5 milliards. On sait que la famille Rothschild, contrôle 400 milliards de valeur. Lever, Unilever, toutes les huiles de baleine au monde, les huiles de marsouin, les produits de beauté, les rouges à lèvres, etc. IBM Machine, toutes les huiles d'arachide produites d'Afrique, etc., ça ne finit plus. Les chutes Churchill, les concessions majeures, minières, forestières, hydroélectriques dans cette province du Canada, enfin, c'est le plus grand empire que j'ai jamais. Bon. Pendant ce temps-là, pour pas qu'on On y pense qu'on les voit. Oh, le pape est riche, le pape est riche. Regardez donc comme c'est riche, le Vatican. Bon, c'est entendu que c'est riche. Rien pour une statue. Ils ont fait 200 millions au Vatican. Là, au cône de ses fils. Une statue faite il y a 3500 ans en Grèce. Mais qu'est-ce que ça rapporte de profit sur cette sacrée statue-là? Elle est là, là. Bon, mais elle vaut 200 millions. Entendu. Les murailles, là, le jugement dernier, l'histoire de la création par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine. Mais ça vaut des centaines et des centaines de millions. Qu'est-ce que ça rapporte en intérêt par année, ça? Pour payer les Esquimaux, les missionnaires, là, qui crèvent de froid chez les Esquimaux, ou d'autres, là, des sœurs missionnaires, qui auraient pu être des filles d'ingénieurs, de juges, des filles les plus brillantes, les plus belles, les plus nobles, qui sont là à soigner des lépreux au cœur de l'Afrique. Pour les faire nourrir, ces filles-là, puis leur envoyer des petits avant. Donc, pour que le Vatican soit riche, mais je ne peux pas qu'on parle. Des grands prêtres du Vaudor, puis des rois de Marmont, le grand Sanhédrin. Matérialiste. Ah non, ça c'est des pauvres chrétiens, des pauvres chrétiens d'Hitler et tout le monde. La méchanceté universelle. En tout cas. Alors, en ce moment, nous avons l'aristocratie de l'argent, la noblesse de l'argent. Le corporatisme, qu'est-ce qu'il propose? L'aristocratie des valeurs, de la dignité, des capacités. Quand on dira aux charpentiers, vous avez droit à 5 députés au Parlement fédéral, envoyez-nous vos 5 plus beaux gars, vos plus nobles, vos plus propres, ceux en qui vous faites le plus confiance et qui connaissent mieux les secrets de votre métier, ce sont des aristocrates. Ils auront été choisis par leur père comme les maîtres de leur vocation, de leur profession, même chose dans tous les autres milieux. Et la guerre des classes, elle n'existera plus. Nous avons juré, nous, nationalistes, de l'écraser. Le communisme international, qui a déjà gobé la moitié de l'univers, la moitié du monde, ne veut pas qu'on parle. Du moment qu'on parle contre le communisme, on est des fascistes, des nazis, des agents d'Hitler, de Mussolini, de Franco, de Salazar, etc. Il y a des oiseaux de toutes les classes, de tous les milieux qui gobent ça puis qui le répètent. Bon. Avez-vous jamais lu les lois passées par Hitler? Avez-vous lu les discours passés par Hitler? C'est entendu, en temps de guerre, c'est un ennemi. Bon, faut dire du mal de lui. Mais hors du temps de guerre, mais qu'est-ce qu'on fait ce gars-là? Je vais finir par ça, parce que l'heure avance. Hitler vient d'être élu. 15 jours après son élection comme chancelier d'Allemagne, il fait ce qu'on appelle la proclamation de Potsdam. La proclamation de Potsdam. Notez bien ce que je veux dire. Ça touche à notre élection provinciale ici, en ce moment. Je vais finir par ça. Et c'est le sujet le plus grave de nos 350 ans d'histoire française ici sur le sol d'Amérique. Hitler force tous ses ministres, même les athées, Alfred Rosenberg, à signer ceci. Le gouvernement du Troisième Reich allemand proclame solennellement du point de vue scolaire et du point de vue matrimonial, proclame solennellement du point de vue scolaire et matrimonial, que le christianisme, sous ses formes catholiques et protestantes, a été, est et restera le fondement moral de la nation allemande. Seules les confessions chrétiennes auront des droits publics en Allemagne. Les confessions qui ne sont pas chrétiennes pourront jouir de tous les droits privés, mais pas de droits publics. En autant, qu'elle ne menacera pas la sécurité de l'État. Ceci voulait dire que les écoles chrétiennes, protestantes et catholiques d'Allemagne avaient droit de recevoir des fonds de l'État. Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre eux? Mais les confessions non chrétiennes pourront faire ce qu'elles voudront. Mais qu'elles se payent leur propre faire. Comme nos catholiques sont obligés de le faire aujourd'hui aux États-Unis et dans certaines provinces du Canada. Ils sont obligés de payer d'abord pour l'école neutre, l'école sans Dieu. Et s'ils veulent des écoles chrétiennes, ils fouillent dans leur poche une deuxième fois et ils se les payent. Maintenant, ce que je reproche au rapport parent, moi je reconnais le droit aux incroyants, aux athées, à qui vous voudrez d'avoir des écoles, qui en fasse. Mais ce que je dénonce comme chef national du parti, et je vous demande, mon chef provincial, de le faire partout où vous passerez dans Québec, c'est ceci. En proclamant l'égalité de l'enseignement non confessionnel avec l'enseignement chrétien dans un pays chrétien, on donne un droit public officiel à l'athéisme, on met l'athée sur le même pied que le croyant. Et ça a pris un évêque du nom de parent. Je suis à peu près sûr qu'il était contre ça. Mais il est obligé de soumettre à la majorité qui vote dans sa commission. Mais tout de même, c'est sous l'autorité du nom d'un évêque catholique que dans Québec catholique, on a mis l'athéisme sur le même pied que le théisme pour la première fois en histoire du Canada chrétien. C'est ça que je dénonce. Je dénonce pas les droits des incroyants d'avoir le sécal. Mais je dénonce, chose que Hitler lui-même n'a pas voulu accepter, la mise sur le même pied de Satan que Dieu. Il y a, dans notre province, heureusement, des gens qui font la bataille. Il y a le congrès des parents chrétiens qui ont un petit journal, qui font la lutte avec des fonds bien modestes, pendant que les francs-maçons importés de France et d'Algérie le font avec les fonds du gouvernement que nous payons en taxes. Alors, je soutiens moralement cette association de parents catholiques du Québec qui veulent défendre le plus bel héritage de notre province, ce qui a fait que nous sommes restés ce que nous sommes, des Français, des chrétiens. Sans eux, il y a longtemps que nous aurions été avalés comme des franco-américains aux États-Unis. Alors, je vous demande de les soutenir. Ladies and gentlemen, I'm honored of your presence here tonight. You know what happened. We had to change halls 3 times. Even tonight, where they couldn't help it, they telephoned the police that there was a bomb in the building. And the police, I'm very grateful to them, came here all excited. I said, well, it may blow up any minute. We're going to find out. Will you please ask everybody to go out? That's what so we did, respectfully, because we honor the police one as we honor our judges. Any authority. Men are weak. Men bear the effects of the original sin. A colonel may be a drunkard, but when he says right turn, the whole regiment has to go right turn, whatever the colonel. A judge may run after aprons, but when he says 2 years in jail, it's 2 years in jail. We have to respect to the judge. A priest may be weak, but when he says this is my body, it's so. We forget human nature, we're all weak. The just sins 7 times per day, says the scripture, and believe it, I'm no just. So, we must understand one another. I would not, it's becoming late, I would not try to tell you all I've said about corporatism, which puts an end to the class warfare and forces all classes to cooperate with one another and send representatives of classes as members of parliament instead of members of political parties. I thank you very much for your coming here, and I'll have other opportunities to speak to you in your language. Maintenant, vous voulez dire une chose. Avec le corporatisme, la grève est interdite. La grève est une perte énorme pour le travailleur, une perte énorme pour l'employeur et une perte plus grande encore pour la nation. Quand une manufacture peut produire 50 bateaux par année et à cause de grève qu'elle n'en produit que 10, la nation est riche de 40 moins de bateaux de moins à vendre à l'étranger ou à l'intérieur, les ouvriers sont riches de moins. Les patrons sont riches de moins. Comment arranger tout ça? Ben voici. Le ministère des corporations va fixer des salaires. Supposons, par exemple, prenons, toi le plombier, mettons, c'est 5 piastres de l'heure. Bon. Ça peut être 4, ça peut être 3, enfin, mettons que c'est 5 piastres de l'heure. Bon. Alors, il y a un décret national